le quartier. Il faut des résultats, les élections sont là. L'État les a armés, Français sera protégé. La liberté souillée au nom de l'insécurité. La bête est dans le pays, installée en mairie. Régime totalitaire, mais sans en avoir l'air. Ils ont sorti les crocs pour planter dans mon dos. Prochain régime facho qu'a mis en place Darko. Hey, c'est pas mon gouvernement, encore moins mon président. C'est pas mon gouvernement, encore moins mon président. C'est pas mon gouvernement, encore moins mon président. C'est pas mon gouvernement, encore moins mon président. Pays de la liberté, fascisme toléré. Dans les cages d'escalier, ratonnade programmée. Vivement le 14 juillet, on verra défiler sur les Champs-Élysées tous les ponts nazis français. Encore moins mon président, c'est pas mon gouvernement. Encore moins mon président, c'est pas mon gouvernement. Encore moins mon président, c'est pas mon gouvernement. Encore moins mon président. Sarkozy, Hillary et leur pote Jean-Marie, là le véritable ennemi de notre pays. Mais quand je pense que c'est notre démocratie qui a mis en place cette bande de pourris. Pourquoi j'irai gueuler, j'suis bien dans le canapé. J'irai qu'un plein sac rempli de matraques. J'irai pas dans la rue me faire voter le cul pour défendre les rêves des citoyens en grève. Hey, c'est pas mon gouvernement, encore moins mon président. C'est pas mon gouvernement, encore moins mon président. C'est pas mon gouvernement, encore moins mon président. C'est pas mon gouvernement.